Pour tous vos problèmes en électricité, c'est les électriciens du Nord qu'il faut contacter. Une équipe d'expérience qui est en affaires depuis 40 ans et saura bien vous conseiller pour vos différents ennuis. Nous faisons la vente d'équipements neufs ou usagés au niveau résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel. Les électriciens du Nord, c'est au 1025 Première Rue à l'Ascension, au numéro de téléphone 418-347-5103. Le propriétaire des électriciens du Nord, M. Ghislain Tremblay, rappelle qu'acheter localement protège notre économie. La Ligue du lac aux fleuves a maintenant un directeur général depuis hier soir, c'est Mathieu Caron. Mathieu Caron qui s'occupait déjà des arbitres, qui avait été nommé la semaine passée un peu le responsable de la Ligue quand Bob Desjardins était démissionné. Question de savoir un peu c'est quoi son rôle, qu'est-ce qu'il entend faire avec la Ligue, on lui parle. Salut Mathieu. Bonjour Danny, ça va bien? Oui, ça va bien. Mathieu, le rôle du directeur général, il y avait un rôle de commissaire dans la Ligue. Maintenant, le rôle du directeur général, ça va être quoi? Le rôle du directeur général, ça va être vraiment de faire en sorte que la Ligue fonctionne. C'est toute la partie administrative et opérationnelle là, que je m'occupais déjà depuis le début de la saison en tant que VP des opérations. Et maintenant, on a vraiment rapatrié ça à un titre de directeur général qui va vraiment s'occuper de ces tâches-là, que ce soit au niveau du registrariat, des changements de partie et toutes autres choses qui s'y joignent à ça. Donc, ça va être ça mon rôle là, maintenant au niveau de la vie. OK. Si on parlait maintenant, mettons qu'il y a un vote de 2-2 parce qu'il y a quatre gouverneurs, c'est toi qui tranches? Non, la Constitution est faite en sorte que pour qu'un vote passe, il faut qu'absolument ça soit 50+1. Donc, s'il y a égalité, ben le vote passe pas. Donc, c'est même que notre Constitution est faite à ce niveau-là. Mais je peux te dire que depuis, tu sais, on est vraiment les équipes là, on est quatre là. Puis à chaque fois qu'on prend une décision, on s'en parle avant. Puis quand on arrive au vote là, généralement là, ça passe sans trop de problème. Mais généralement, ça pourrait arriver, par exemple. Là. Ça serait peut-être pas mieux de te nommer, de changer. D'abord, c'est rien qu'une résolution là. C'est une résolution, mais comme je te dis, notre constitution fait en sorte qu'il faut absolument avoir 51% des votes. Il faudrait qu'il y ait trois équipes sur quatre qui acceptent la résolution pour qu'on puisse passer. Si c'est égal, ça passe pas. Mais pour le bien, dans ce cas, mais pour le bien de la Ligue, c'est peut-être un changement à faire éventuellement. Je sais pas si c'est de même qu'on est constitué depuis le début. Okay. De toute façon, quand on a des résolutions d'urgence à faire, il faut absolument que ce soit voté à l'unanimité par toutes les équipes pour que ça puisse passer. OK. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment un gros point à ce sujet-là. Ton rôle, tu as parlé de l'administration, de la gestion de la Ligue, c'est un peu ça, en fait, ce que tu vas faire, là. C'est en plein, c'est exactement. OK. La semaine passée, Bob Desjardins, quand j'ai demandé, va chercher un vendeur, tu sais, il a pas de l'air d'avoir compris la question. Ce que je voulais dire, c'est un vendeur qui va aller chercher des commanditaires, qui va aller également peut-être les commanditaires de Ligue et ainsi de suite. Est-ce que c'est quelque chose qu'on travaille là-dessus, là? Pour l'instant, là, le fonctionnement administratif, là, au niveau des finances, ça fonctionne avec l'utilisation des ligues, pas des équipes. On va dire qu'on n'a pas vraiment beaucoup de dépenses au niveau de la ligue en tant que telle. Le seul commanditaire qu'on est à la recherche présentement, ça va être pour notre coupe à la fin de l'année. Okay. On cherche un commanditaire majeur qui va pouvoir justement avoir son nom sur le trophée de fin de saison. Mais côté marketing, les affaires-là, la Ligue n'a pas besoin de ça. C'est plutôt les équipes qui ont besoin d'avoir des commanditaires autour d'eux autres pour pouvoir faire en sorte que les autres soient capables de pouvoir vivre. Parce qu'eux, ils ont beaucoup plus de dépenses que la Ligue elle-même peut en avoir. OK. Mais est-ce que... Mais ça pourrait être un commanditaire également, la Ligue, puis qui partage ça en quatre? Ça pourrait être ça aussi? Ça pourrait être, mais tu sais... OK. Ça serait pas... vraiment plus marketing, d'avoir un nom là, c'est okay. Vraiment là, un nom là-dessus là. On est en train de monter le projet de marketing pour essayer de se trouver un commanditaire majeur. OK. Justement, as-tu eu des premiers pour parler pour un commanditaire majeur ou c'est vraiment là quelque chose de... Pas pour l'instant, on monte le projet là, okay. Pas le projet là, à ce niveau-là. OK. Dis-moi maintenant, au niveau des médias, je sais que c'est très bien fait jusqu'à maintenant, mais est-ce qu'on va tenter encore une fois peut-être d'avoir une meilleure percée? Je parlais avec quelqu'un de bien connu dans le monde des médias au Saint-Lac-Saint-Jean, puis il me disait, je ne reçois jamais de communiqué. Moi, je peux te dire, je vois ce site régulièrement de la Ligue. Il y a souvent des communiqués. Hier, c'est là que je l'ai appris. Est-ce que quand même, on va toujours travailler là-dessus? On va effectivement le poste on a comme transformé un poste comme par un responsable des communications. Le poste reste à combler pour le moment. Ça va être la personne là, qui va être là, va avoir un gros mandat de vraiment faire en sorte de faire en sorte que la Ligue soit qu'on va pouvoir promouvoir la Ligue le plus possible. Effectivement, les communiqués de presse vont sortir directement aux médias et non pas via le site web. Comme on l'a fait un peu quand on a fait l'émission de Bob, on a envoyé les communiqués de presse aux médias régionaux et aux autres médias aussi dans les autres secteurs où les équipes évoluent. Et bien éventuellement, c'est ça, on va travailler le nouveau responsable de on va avoir un travail à faire à ce niveau-là, faire en sorte qu'on parle de nous autres au niveau des médias un peu plus. OK. Parce que mais je voyais 595 spectateurs jusqu'à maintenant. C'est très bon, là. Moyenne de 600 personnes. En Mauricie, normalement, on joue autour de 400, la Ligue des Seigneurs de la Mauricie. C'est très bon. Exactement. On est bien content de la présence des partisans dans chacune des arénas. C'est sûr qu'il y a des secteurs, vraiment les secteurs de Delbeau, Forestville, Charlevoix, c'est vraiment des secteurs parce que le hockey, là, ils n'ont pas le hockey. Fait que les autres, ils apprennent l'arrivée d'une ligue senior. On les voit présents, l'ambiance est là, c'est super intéressant. Que Jonquière vont jouer leur deuxième match là, de la saison en fin de semaine. On est quand même très surpris de la participation qu'on a malgré tout le hockey qu'on a dans le secteur de Saguenay. Mais la présence est là. Honnêtement, là, on est vraiment très satisfait à ce niveau-là. Ben c'est clair, là. Mais ça va être plus dur au Saguenay. Puis ça, on le savait là. Au niveau des transactions, est-ce que c'est toi qui va pas des transactions, mais de l'expansion? Est-ce que c'est toi qui va travailler là-dessus? Bob m'a dit que c'est les gouverneurs. C'est les gouverneurs qui vont décider. Parce que moi, j'ai vraiment en dessous du bureau des gouverneurs. C'est vraiment le bureau des gouverneurs qui décide de prendre, de voir à ça, de promouvoir les ligues. On n'a pas vraiment besoin pour l'instant d'une personne en haut faire en sorte de pouvoir pousser la ligue à faire là. Mais tu sais, on a vraiment juste de besoin. Les équipes sont capables eux autres mêmes de pouvoir faire en sorte de promouvoir la ligue. Puis si des équipes d'expansion qui veulent arriver, ben on évalue. C'est le bureau du gouverneur qui évalue la possibilité de le faire. Et après ça, là, on déclenche l'expansion là, si on est rendu là. OK. Dis-moi, du côté de l'arbitrage, ça va bien aussi de ce côté-là? Honnêtement, là, je suis très surpris. Puis les équipes sont également très satisfaites de la qualité de l'arbitrage. Les gars sont vraiment bien respectés. J'ai vraiment des gars compétents qui sont capables de pouvoir faire ce calibre-là. Je vous dis, ça fait un mois et demi là, qu'on est en accepté, puis j'ai pas de plainte encore à ce niveau-là. Ça va super bien. Au début, on était en système à 3 officiels. On a upgradé à un système à 4 officiels parce qu'on s'est aperçu que le niveau de hockey était un peu plus élevé que ce qu'on s'attendait. Mais c'était vraiment pour la sécurité des joueurs qu'on voulait faire en sorte qu'avec un 4e officiel, ben, on est capable de voir plus le jeu, voir s'il n'y aurait pas des cheap shots à faire là. Mais ça nous permet d'éviter ce genre de situation-là. OK. Ben, Mathieu Caron, on va te souhaiter la meilleure des chances comme directeur général des Marquis, pas des Marquis, mais de la Ligue du Lac au Fleuve, excuse-moi. Et au plaisir de se reparler très, très prochainement. Il n'y aura pas de problème. Mathieu Caron, le nouveau directeur général de la Ligue du Lac au Fleuve.